Poème 31. Un dahlia. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Courtisane au sein dur, à l'œil opaque et brun, s'ouvrant avec lenteur comme celui d'un bœuf, ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf. Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule, mat, ses impeccables accords. Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins exhale celle-là qui vont fanant les foins, et tu trônes, idole insensible à l'encens. Ainsi le dahlia, roi vêtu de splendeur, élève sans orgueil sa tête sans odeur, irritant au milieu des jasmins agaçants. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public.